Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission spéciale sur le système de santé en France. Pour répondre à nos questions, nous accueillons aujourd'hui Jean-François Vérel, directeur régional de la Caisse primaire d'assurance maladie. Jean-François, bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler de notre système de santé ? Alors, il faut savoir que le système de santé français est l'un des plus chers au monde. Nous dépensons chaque année 240 milliards d'euros pour nous soigner. Dites-nous, Jean-François, qu'est-ce qui coûte le plus cher dans le budget ? Eh bien, tout d'abord, ce sont les hospitalisations. Elles représentent près de la moitié des dépenses. Ensuite, les Français consomment une grande quantité de médicaments. 52 boîtes de médicaments par an et par Français, contre 17 seulement pour nos voisins allemands. Vous imaginez ? Enfin, il y a les dépenses liées à la médecine générale, aux consultations chez un spécialiste, et les dépenses liées au transport, comme l'ambulance ou le SAMU, par exemple. Alors, comment fait-on pour prendre en charge toutes ces dépenses ? D'abord, l'assurance maladie rembourse environ 75% des dépenses. Elle est surtout financée par les salariés et les entreprises, qui lui versent presque 2 mois de salaire par an. Il y a aussi les taxes sur le tabac et l'alcool. Ensuite, les mutuelles et les assurances privées jouent elles aussi un rôle important. Elles remboursent près de 15% des dépenses et c'est une spécificité française. Enfin, les ménages paient directement environ 10% des dépenses, un des taux les plus bas d'Europe. Jean-François Vérel, merci pour ces précisions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.